blague. J'ai du mal à me placer. Rester calé, il paraît que ça claque. C'est surtout plus facile à classer. C'est pour cette idée qu'est d'aller que l'avant sans se lasser. Et par ce côté décalé, j'en prends de l'avance pour me déplacer. Délester, ça détend, tant et même dans des îles, des hésitants dans ses vies, t'es l'évidence, prends dans ma tête les révidences, ça détend en deux, tant et même dans des idées hésitantes, censé éviter l'évidence pour que dans ma tête les révidences. Calé, jamais bien installé, comme un flot inattendu. Un bal de mots qui barre de biais, tellement possibilités comme pour un bout de pâte à modeler. Et si le doute aborde la tête, s'il le faut, on s'arrête net. Essayons un truc bien carré, c'est droit donc ne pas s'inquiéter. Pour ce atteint de cécité, on fait dans l'efficacité. Vaut mieux que le doute nous guette, plutôt que l'ennui s'aborde la tête. Dans ce corridor, je peux que siester, mon libre arbitre est décédé. D'aller deux, l'avançant se lasser. Et par ce côté décalé, je prends de l'avance pour me déplacer. Toujours ça, pimenter l'envie.